Il y a des gens ici-bas qui veulent en savoir un peu plus sur ce qu'on attend d'eux. S'il y a un sens à tout ça, en dehors de l'implacable logique humaine qui nous dicte nos lois, je suis de ces gens-là. Par la beauté du monde.